à l'espace arc-en-ciel au 266 Faubourg Vanier à Fleury-les-Aubrais. Avec les voix du fado, Joanse Jdofra, como fadistas, Mathieu Domingues, Lúcia Araújo. Na guitarra portuguesa, Manuel Miranda. Viola de fado, João Filipe. Le début de la fin de la soirée sera animé par le trio L'Oiseau Latin. Au menu, apéritif gourmand, bacalhau à rade, fromage, dessert, café. 35 euros l'adhérent, 40 euros le non-adhérent, hors boisson. Réservez vite au 02 38 43 50 09 ou par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Attention, place limitée. Alors, réservez vite la soirée fado du 30 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. És tudo o que eu preciso para ser o homem mais feliz. O meu olhar tão doce seduz-me e faz-me renascer. És a mulher que eu sonho um dia ter sempre junto a mim. Faço tudo para te conquistar. Paixão ardente, coração no mente, só te quero amar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero. E olá, muito bom dia amigos ouvintes, cá estou novamente com vocês. Um excelente sábado, uma excelente manhã de sábado em minha companhia e já são 9:08. Tudo bom para vocês? Vamos então dar início a este programa. Hoje de manhã é um pouco especial. A voz da Cristina, a voz do Matisse e uma vez, a um momento, vai ficar somente o Matisse, porque assim, quando temos os nossos deveres profissionais com a rádio, tenho que ir, não é? Mas é assim. Mas estamos cá. Et oui, bonjour Matisse, deuxième voix du samedi matin. Tout à fait, bonjour Christine, bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Ça va, fatigué la semaine, mais ça va. Oh, et puis on s'est levé tôt, c'est ça? Ah, on s'est levé tôt là, le réveil il a fait, oh non, pas déjà non. Toi. Et oui, merci Matisse d'être là. Comment ça s'est passé cette première d'un samedi matin? Eh ben écoute, c'était incroyable. Les gens ils étaient là, ils appelaient. Bon, il y a souvent des gens de ma famille qui viennent me déranger pour m'appeler, mais on dit pas ça, ils je dérangent rigole, bien pas. Sûr. Non, c'est ils ont fait des belles dédicaces, tout le monde nous a appelé pour faire des dédicaces. Il y a eu beaucoup d'anniversaires la dernière fois aussi. Et voilà. Samedi matin, c'est totalement différent et on se doit d'être là pour nos auditeurs. C'est très important. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, j'ai un rendez-vous pour la radio auquel je dois être présente. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi au secours. Merci, Mathis, ce matin. Mais pas de souci. De toute façon, on s'échange donc. Voilà, c'est ça. Ça aide et puis ça permet que la radio reste pas toute seule. Tout à fait. Et comment bien commencer un week-end avec un samedi matin en musique? Tout à fait. En plus, on fait un peu maussade, donc nous, on est le rayon de soleil. Voilà. De chez la les gens. Tout à fait. Très bien, Mathis. On laisse déjà une musique et on revient dans deux ou trois musiques pour parler de belles choses bientôt. On continue en musique avec un groupe que je sais que ta sœur aime bien, Sylvie. Alors, je vais m'entraîner à le dire, mais j'y arrive vraiment pas. Malatos do Concertinho. Alors, os marotos. Os marotos. Marotos.

Preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite me sempre iluminar, Marisa no melhor de mim, e um fado, que tal? Uma noite de fado seria o ideal, não é? Claro, e é a noite de fados que vamos nós, o Rádio Arc-en-Ciel, organizar no dia, no sábado 30 de novembro. Le fado, ça te dit? Oui, tout à fait, bah, avec Marisa, on peut connaître le fado. Tout à fait. Et oui, Radio Arc-en-Ciel organise donc la soirée fado. Et je voudrais juste vous informer que vous aurez la possibilité de retrouver des billets de vente, des billets d'entrée pour la nuit des fados, qui sera le 30 novembre, chez nos partenaires, chez Le Panier du Monde et aussi aux établissements Mariano. Lorsque vous allez faire vos courses, acheter vos châtaignes, et bah, pourquoi pas? Parce que ce week-end, à ton avis, les châtaignes. Ça doit être le week-end des châtaignes. Ça veut c'est dire. Le week-end des châtaignes. C'est ce qu'on appelle la Saint-Martin. C'est la Saint-Martin ce week-end. C'est au Portugal, à la Saint-Martin, on grille des châtaignes et on goûte le nouveau vin. J'en connais beaucoup qui ont goûté le nouveau vin, mais pas les châtaignes. Hein. Les deux. Donc oui, voilà, ce week-end, c'est fim de semana de São Martinho, aos magustos, claro que sim, vocês vão fazer um magusto na vossa casa e será talvez o momento de buscar os vossos bilhetes de entrada para o nosso Noite de Fado, que estará à venda então no Senhor Mariano e também no Panier du Monde. Quando forem fazer as comprinhas, já podem também comprar as vossas entradas. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, moi, je dis... Faites vos courses, faites vos achats de ce spectacle. Comme ça, on fait une pierre deux coups. Tout à fait. Et donc oui, effectivement, dans cette nuit de fado, on va découvrir des nouvelles voix. Une jeune voix de fado, il est extra, Mathieu Dominguez. C'est une voix, c'est un prodigue. Moi, je dis c'est un prodigue de la voix du fado portugais. Un petit jeune parisien qui chante le fado comme il se doit. Lucia Araújo, c'est la grande voix du fado. Dans la région parisienne aussi, des gens extra qui chantent extrêmement bien. Puis alors, les guitares portugaises, et viol, la guitare avec Manuel Miranda, qui est déjà très connu, ainsi que João Philippe à viola do fado. Et puis pour la soirée, bien sûr, en début et enfin, un petit peu de danse. Qu'est-ce que ça fait du bien avec le trio latino qui sera, trio Luso Latino, qui sera là avec nous. Donc n'hésitez pas, le samedi 30 novembre, de réserver cette soirée et de venir faire une nuit de fado. Tout à fait, et de venir s'amuser avec nous, danser, profiter. Et bien manger. Et bien parce manger, c'est ce que j'allais dire en plus. On va bien manger. Hein. Et ben voilà, un bel apéritif bien gourmand, la morue à radio, au bacalhau à radio, du fromage, dessert, café. À peine 35 euros pour le repas et la soirée. Pour nos adhérents, 40 euros pour les non-adhérents. Bien sûr, hors boisson, parce que bien sûr, tout dépend de ce qu'on boit. Moi, personnellement, je bois que de l'eau, donc... Pas de souci. Et attention aux places limitées. On en parle aujourd'hui parce qu'effectivement, on se doit d'en parler, mais n'hésitez pas à faire ça au plus vite parce qu'effectivement, on est très voilà, et on est très limité en place, donc c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Tout à fait. Très bien. Donc, merci jeune homme. Mais de rien. Qu'est-ce qu'on va écouter par la suite? On va écouter une musique très connue d'un artiste qu'on connaît tous. Mais un titre qui est sorti il y a 3 mois, mais qui fait déjà un carton. Tout à fait. Fugir de Lucenzo. Et pour la petite histoire, l'autre jour j'étais à mon travail, bien sûr, on peut pas tout le temps écouter Radio Arc-en-Ciel. Et puis je savais bien qu'on était sur une grande radio française et j'écoutais, je me suis dit, bah, c'est du portugais. Une grande radio passe du. Alors j'écoutais, je me suis dit, bah. Plus j'écoutais, je me dis, mais pourquoi cette radio passe comme ça du portugais? Mais j'ai été super. Alors, j'avais une petite jeune fille qui était en face à moi parce que c'est ma collègue. Puis elle entonnait la musique. J'ai dit, tu connais? T'es portugaise? Elle dit, non. tu connais la musique? Ah ouais, tu connais pas? C'est Fougir. J'ai dit, comment ça, c'est Fougir? D'où tu connais ça, toi? J'ai dit, c'est portugais. Ah non, non, non, c'est latino. Oui, c'est ça, oui, c'est latino. C'est portugais, cocotte. C'est Lucenzo, c'est typique merci portugais. Portugais. Mais les gens, ils mettent souvent Lucenzo comme latino et pas portugais. Portugais. En parlant de portugais, maman, elle m'a raconté, elle était en train de travailler à Carrefour, comme normal. Et là, d'un coup, elle entend de la musique portugaise avec ma tante, ma marraine qui était là aussi. Elle fait, d'où à Carrefour, il y a une musique portugaise dans les rayons. Et en fait, c'est le petit monsieur qui fait son animation dans le magasin. Il met de la musique portugaise, né manouche. Bah, tu vois, comme quoi, hein. Voilà. La on bonne. Donc, on continue en musique avec Lucenzo. Fougir. Fougir. Levantar a poeira da estrada, beber copo, chegar de madrugada. Felicidade não tem hora marcada. Quem sorri pra vida não tem medo de nada. Levantar a poeira da estrada, beber copo, chegar de madrugada. Andar em frente sem pensar em mais nada. Que esta vida não é nada. Eu quero ver o sol. On va continuer avec une dédicace de la part de Sandra pour son amour, car ils vont fêter leur un an de Pax, donc elle souhaite lui faire une dédicace pour lui dire qu'elle l'aime de tout son cœur, qu'il souhaite que du bonheur et que ça dure hyper longtemps, et faire de grands projets ensemble. Donc on leur souhaite que du bonheur, on leur fait des bisous et on leur félicite pour leur un an de Pax. Et pour ça, on va écouter une musique de Kalema. Kalema, les dieux de l'amour. On va écouter Aimer, s'aimer. Parfois on s'oublie jusqu'à se faire peur. L'amour peut te bousculer. Arrêtez-nous d'un vide et on se sent pas là. Oh, me connaisse en ma tête. Comme il va, comme il vient. Comme il veut s'envoler un beau matin. Quand on aime, il nous tient. La changé. Rien n'est à nous, ne fait que passer ici-bas. J'ai choisi l'instant présent. Je veux aimer ici maintenant. Ensemble on voyagera, toi et moi. Traverser des bons nord, accepter nos erreurs. Et quand on marque de main, nous je le vois. Remange nos amas. Je ne veux pas, no vaita. Pour ma vie, la suite était acquis. Mais que importe le nombre de pas. J'irai où tu iras, à jamais. Capé de força. Tudo com a boa, com o saco, só munga da bolsa. Ensemble, on voyagera, toi et moi. Traverser des bonheurs, accepter nos erreurs. Enquanto a morte não nos levar, vamos nos amar. Je ne veux pas, não vai dar. Uma vida sem te ter aqui. E que importa, le nombre de pas. J'irai où tu iras, jamais. Vai tudo de rimbombaio. Olha o povo português,

moça lá na roça morava numa palhoça, era a alegria do lugar. Lá deixou tudo, veio morar para a cidade, sua maior felicidade é fazer o cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Sua maior felicidade é fazer o cha-cha-cha. Quando chegou, arrumou o namorado, um velhinho já cansado em matéria de nhanhar. Todas as noites o velhinho se babava quando Maria anunciava: vou fazer o cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Quando Maria anunciava: vou fazer o cha-cha-cha. Maria foi um dia horizontina, veio uma equipa da Argentina, tinha futebol por lá. O juiz teve que atrasar a partida, a pedido da equipa, a Maria fez cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. A pedido da equipa, a Maria fez cha-cha-cha. Tem baile, vem sempre de mini saia, bota tomara que caia, faz tudo para agradar. A rapaziada vem chegando e perguntando se não viu e dançando a Maria cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Se não viu e dançando a Maria cha-cha-cha. Uma banca de revistas está vendendo para a Mundial. Quem leva uma, ela agradece ao freguês, mas quem compra mais de três, ela faz um cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Mas quem compra mais de três, ela faz um cha-cha-cha. Sou português, minha mãe é espanhola, não carrego nessa cola nada para me incomodar. Estás curioso, ansioso, eu te conheço, estás querendo o endereço da Maria cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Estás querendo o endereço da Maria cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Maria cha-cha-cha, cha-cha-cha. Estás querendo o endereço da Maria cha-cha-cha. J'ai déjà pas eu un mozinho. J'aimerais vraiment les voir un jour. Je cherche quand je suis au Portugal à chaque fois à les voir, mais. C'est qui déjà? Bombocas. Bombocas. On les a déjà ici à la radio. Bah voilà, j'étais. Ça fait déjà un petit moment. Oh oui, t'étais tout petit, je pense. Mathis, est-ce que tu connais vraiment cette tradition d'Oumagouche, tous les châtaignes et tout ça? Alors là, pas du tout. Du tout. Eh bien, je vais t'expliquer un petit peu. À toi et à nos auditeurs. Oumagouche, c'est qu'on arrive à l'époque de l'automne. Et effectivement, à l'époque de l'automne, effectivement, on récolte les raisins pour faire le bon vin, n'est-ce pas? Ça, il y a des connaisseurs. Il y a des connaisseurs. Et après, les châtaignes arrivent à leur, voilà, au moment de les ramasser. Et c'est un bon compromis, effectivement. Parce qu'effectivement, les bons vins arrivent à maturation. C'est les jeunes vins, les nouveaux vins. Bientôt, on aura le Beaujolais aussi. Hein. Mais au Portugal, effectivement, et dans toutes les écoles, dans toutes les paroisses, les associations et tout ça, effectivement, on fait ce qu'on appelle un magouche. On va ramasser du petit bois, du feuillage et tout ça. On met tout ça dans un grand, comment dire, parterre. Mm-hmm. On met les châtaignes dedans et les châtaignes crépitent et on a les châtaignes grillées. À manger. Et après, on joue. On joue à quoi? À quoi? Eh bien, on a les mains toutes sales et on essaye... De salir les autres. De salir les autres. C'est une tradition à l'école au Portugal, c'est comme ça, qu'on s'amusait et de manger les bonnes châtaignes et d'échanger des moments de convivialité. En général, il y a toujours me consulter pour animer, parce que ça va avec aussi. Hein. Et on passe un excellent moment. Bah, pourquoi ils le font toujours au Portugal? Ah oui, ils le font. Et puis, il y a beaucoup d'associations qui le font ici dans la région. Beaucoup d'associations vont le faire, et même sur Paris et tout ça, et ça continue à perdurer. Nous, ici, Radio Arc-en-Ciel, malheureusement, ce week-end, je ne peux pas, parce que souvent, depuis de longues années, c'est l'anniversaire de ma maman qui tombe le week-end, et donc je préserve ce week-end pour moi, et je ne suis pas dispo. Mais sinon, je serai disponible, pourquoi pas, on l'aurait organisé. Pourquoi pas un jour dans les années futures l'organiser un autre week-end que ce week-end-là? Bon, non, parce que c'est ce week-end-là. C'est à la Saint-Martin et dia de São Martinho prova o vinho como se castanha. Ok. Donc tu sauras. Peut-être que l'année prochaine tu pourras l'organiser toi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas moi voilà, comme c'est l'anniversaire de ma maman et que je ne lui cède pas d'avance, mais je lui ferai un grand bisou bien spécial en cette nuit de Saint-Martin. Eh bien, écoutez, ramenez-nous des châtaignes, on veut manger des châtaignes. Si musique, qu'est-ce qu'on écoute par la suite? Eh bien là, on va écouter un peu de Rousing, d'où accordéon, qu'on a écouté oui. Il n'y a pas très longtemps quand même, il y a quelques mois. C'était l'un de nos artistes à la fête à la Saint-Jean. Et on écoute Rousing, d'où accordéon. Très bien. Aproveitar até ao fim. Quero sentir a tua pele em minha roupa, tua boca em minha boca, ficar enroscado a ti. Não mudo uma hora, que eu já estou à tua espera, pois esta noite nós vamos fazer furor. Quando ficar do lado à tua cintura, vai ser uma loucura, todos vão olhar para nós. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Enrosca, enrosca, sem hesitar. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Vamos ficar a noite inteira a bailar. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Enrosca, enrosca, e curta o som. Enrosca, enrosca, que o povo gosta. Vamos ficar a noite inteira no bem bom. Dançar juntinhos à luz do luar. Quero sentir o teu perfume em meu corpo, colar-me ao teu rosto, perder-me em teu olhar. Não me demores, que eu já estou à tua espera, pois esta noite nós vamos fazer furor. Quando ficar do lado à tua cintura, vai ser uma loucura, todos vão olhar para nós. E rosca, e rosca, ficar a noite inteira no paintball. Ai, uê, elele, estou aqui, vem pra mim. Gosto dela, é donzela, vou fazer aham com ela. Ai, uê, lelele, estou aqui, gosto dela, é donzela, vou fazer aham com ela. Estou aqui, gosto dela, é donzela. dia não é fácil encontrar um grande amor, mas eu descobri assim que ela olhou para mim. Um jeito tão delicado e um cheiro tipo flor. Como é possível? Como é possível? De uma semente sem água nascer uma flor na mão. Yarará, rosa, deixa-me dar-te uma rosa. Et on arrive bientôt dans une période, ma période préférée de l'année, qui est Noël. Et oui, ça y est, on commence à préparer Noël. Et ben oui, après les châtaignes, bah, il faut bien faire quelque chose, hein, entre les télétons et tout ça. Il y a aussi les marchés. Oui. Donc, on arrive dans une période, effectivement, on prépare beaucoup de choses et entre les télétons et les marchés de Noël, il y en a un marché de Noël de la ville d'Orme, qui se prépare le week-end prochain, 16 et 17. novembre, sur deux jours, effectivement, vous avez de bons exposants, de la bonne gastronomie, de l'artisanat, et organisé par l'association Le Plado. Donc l'association Le Plado organise le samedi 16 à partir de 14h et le dimanche 17 à partir de 10h son traditionnel marché de Noël à Ormes, salle Rabelais et salle d'Autremont. De nombreux stands d'artisans, créations, de producteurs de bijoux, plein de belles choses seront sur place. Donc n'hésitez pas à passer les voir au marché de Noël dans la petite ville d'Orme. Petite ville, mais très sympathique. Mais pour le coup, on est à Ormois tous les deux. Oui, tout à fait. Eh ben oui, bah oui, bah c'est on, là. On va s'y rendre. On va aller on manger va des châtaignes s'il y en a ou pas là-haut, qu'ils en font. Ah, aussi, marron chaud, oui, tout à fait. Donc n'hésitez pas à passer dans tous les petits marchés de Noël, parce qu'effectivement ce sont des associations en général qui organisent ce genre de marché et c'est ce qui fait vivre aussi les associations. Donc n'hésitez pas à passer les voir. En général, nous Radio Arc-en-Ciel, on était souvent sur place en direct, on passait notre radio en direct du marché de Noël. Ah bah pourquoi pas continuer. Donc cette année, non, pour moi, je peux pas. Mais effectivement, il faudrait qu'on reprenne contact avec les organisateurs et c'était un excellent moment. Beaucoup de froid. Une année, on était mais gelé. Il faisait tellement froid cette année-là. Et effectivement, on était et très, très, très gelé. Mais bon, il y avait des bonnes choses pour se faire réchauffer de la bonne musique. Chocolat. Tout il y a le vin chaud, là, les petites. Avec modération. On continue en musique, qu'est-ce que tu nous prépares? Chris Ribeiro. Chris Ribeiro, et après une petite page de publicité. Tout à fait. Après, ce sera Mathis qui vous retrouvera et je reviendrai un petit peu plus tard. Tout à fait, on t'attend avec hâte. Très, c'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Thank you.

ser mais que amante. Viver um sonho contigo, para ficarmos sempre juntos, tu e eu. Quero ser mais que amante, mais que um amor proibido, e gritar ao mundo inteiro que és só dessa mulher. Ela rasgou meu coração e na bebida procurei a solução. Copo vazio, de novo eu vou encher. Meu peito aberto precisa de aquecer. É tão difícil continuar a viver. Eu bebo uma, bebo duas, bebo três, mas não consigo esquecer o que ela fez. Eu bebo uma, bebo todas que quiser. Quanto mais bebo, mais lembro dessa mulher. Eu sei, esta dor ainda vai ser maior. O que fazer? Amor feito nas ondas do mar, hoje bebo para não recordar. Eu bebo uma, bebo duas, bebo três, mas não consigo esquecer o que ela fez. Eu bebo uma, bebo todas que quiser. Quanto mais bebo, mais lembro dessa mulher. Lembro dessa mulher. Eu bebo uma, bebo duas, bebo três, mas não consigo esquecer o que ela fez. Eu bebo uma, bebo todas que quiser. Quanto mais bebo, mais lembro dessa mulher. Este coração que te ama tanto, sei que pensas noutro alguém. Por consigo ler o teu olhar. E o meu coração sofre tanto. Mas lembra, meu amor, tudo pode mudar. Um dia quem amou pode também deixar de amar. O amor não é cego, posso dizer mais uma vez. Eu tu e ela, não foi a conta que Deus fez. O amor não é cego, posso dizer mais uma vez. Eu tu e ela, não foi a conta que Deus fez. Um, dois, três. Não foi a conta que Deus fez. Um, dois, três. Não foi a conta que Deus fez. De Daniel Henriquez, qui est venu à la Saint-Jean de cette année. On continue en musique avec La Gordinho, je ne sais pas si c'est très bien prononcé, mais voilà, de Claudia Leite. Vamos, vamos, Simão. Eu já falei pra você deixar de malícia. Eu quero ver você na coreografia. Comigo. Eu já falei pra você. Pode dançar largadinho, largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho, largadinho, largadinho. Se você quiser, pode dançar largadinho, largadinho, largadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho, largadinho, largadinho. Até o chão, tá. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Se prepare pra subir. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Balança daí que eu balanço daqui. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fique à toa. Rádio de pilha, ela nada é boa. Tá tocando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe. Dançar um lagadinho. Mas se você quiser, pode dançar lagadinho. Pode dançar largadinho. Tá no balanço do vento dançando bonitinho. Let your body loose, let your body loose. Put your arms around, let it happen. Eu quero ver você na coreografia. prepare pra subir. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Balança daí que eu balanço daqui. A dança é essa, a dança é boa. Entre na onda, não fique à toa. Tá tocando esse sucesso. Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe dançar o lagadinho. Se você quiser, pode dançar lagadinho. Vai no balanço do vento dançando gostosinho. Se você quiser, pode dançar lagadinho. Vai no balanço do vento dançando bonitinho. Mas se você quiser, pode dançar. Venha dançar, venha dançar, venha dançar o lagadinho. Venha dançar, venha dançar o lagadinho. Se você quiser, pode dançar. Et tout à l'heure, avec Christine, nous étions en train de parler de la fête des châtaignes au Portugal, donc leur tradition. Donc en parlant de fête, aujourd'hui nous allons fêter donc les Théodores, c'est la Saint Théodore. Donc si un de vos proches se nomme Théodore, je vous invite à le souhaiter, ou soit à faire une dédicace, s'il nous écoute sur Radio Arc-en-Ciel, à mettre la musique, à faire donc une petite dédicace pour lui, ainsi que pour les anniversaires, donc n'hésitez pas. Vos vou ensinar. A dança é bem simples, não tem nada que enganar. Um passo para a frente e outro para trás. Remexe o corpinho, vais ver que és capaz. Agora todos comigo. Um passo para a frente e outro para trás. Remexe o teu corpinho, tu vais ver que és capaz. Agora todos juntos, com os braços no ar. Tira os pés do chão e começa a dançar. Agora todos juntos, com os braços no ar. Tira os pés do chão e começa a dançar, dançar, dançar, dançar. Levanta a mãozinha, passa na barriguinha, a pé na cinturinha, remexe, remexe. Levanta a mãozinha, passa na barriguinha, a pé na cinturinha, remexe, remexe. Sentir o que eu sinto. quando não estou bem, tu consegues me aliviar. Não há mais ninguém que consegue me acalmar. Sempre que eu chorei, tu estivestes a meu lado, como sempre. On continue toujours en musique, dans la bonne humeur, avec le soleil qui est apparu juste derrière moi. On continue avec un groupe incontournable, Tokyo Dance, Oyaouville. Ninguém se cansa, dançam vira de história. Et on va continuer avec un peu un changement de registre. On va passer à un top 3 de musique un peu incontournable américaine. Pas américaine, mais type un peu... Comment dire ? On écoute. On m'a eu une petite aide et c'était le titre que je cherchais, c'était international. Donc on écoute des musiques internationales. Oh, soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl, but I did. The taste of her cherry chutney. Et nous allons continuer avec une dédicace de la part de Jérôme pour sa maman, pour Mathis et pour Christine. Donc il nous fait des gros gros bisous et on l'embrasse aussi. Et pour ça, nous allons écouter une musique de Georges Ferreira. On écoute. Preguiça. Há empregos e trabalho.

Et on continue en dédicace. Une dédicace de la part de Florent. Le Florent qui fait une dédicace pour tous ceux qui sont à l'écoute en France ou au Portugal. Ainsi que toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. C'est un habitué, un soutien pour Radio Arc-en-Ciel. Donc on l'embrasse, on lui fait des gros bisous. Et pour ça, nous allons écouter une musique de Maïda Gaït. Adanso do Baloche. Baloche. Bolacho. J'ai essayé. On écoute. Mete o pé no ar e põe as mãos abaixo. Vamos lá fazer a dança do borracho. Mete o pé no ar e põe as mãos abaixo. Vamos lá fazer a dança do borracho. Borrachinho, borrachinho, anda que quero saber. E tu já me vais dizer quantos copos ou garrafa de cerveja ou de vinho tu conseguiste beber. Se a tua mulher já te consegue aturar. E com essa bebedeira pouco importa a maneira, para casa vais ter que entrar. Mete o pé no ar e põe as mãos abaixo. Vamos lá fazer a dança do borracho. Mete o pé no ar e põe as mãos abaixo. Vamos lá fazer a dança do borracho. Soñé en una mujer, pero ¿cómo dirán cuando pasa, en sus curvas voy a enloquecer. Sale sabrosa, en la disco la pista destroza, se menea y se pone rabiosa, ando loco por volver a ver. Su mirada es como la brisa de mar, su sonrisa hipnotiza a la demás. Soñé en una mujer, pero cómo le gusta de homem não confunda as coisas. Melhor nem se apegar. Posso não estar mais aqui quando acordar. Te avisei, não sou flor que se cheira, mas essa vila é teimosa. Me cheira e ainda me beija com essa boca gostosa. Aí o motivo do meu abalo emocional. Fico ou não fico, vou, é lance ou amor. E aí chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ou magia invocada. Chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ou magia invocada. Conseguiu tirar mel de onde ninguém. Vou dar o golpinho que levei. Tentei roubar o coração de uma ladra, dona da lei. Eu não queria te amar, te amei. Eu não queria me entregar, me entreguei. Eu não queria me jogar, me joguei. Eu não queria. Tá aí o motivo do meu abalo emocional. Fico ou não fico, vou ou não vou, é lance ou amor. E aí chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ou magia invocada. Chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ou magia invocada. Chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. On continue avec une dédicace de la part de Ricardo et ainsi ma maman pour moi-même pour me remercier d'avoir été là ce matin. Et je vous remercie à tous d'avoir pu nous écouter aujourd'hui. Et pour ça, nous avons écouté une musique de Juan Magan, Yolando. Je ne sais pas si c'est prononcé correctement, mais on a essayé. On écoute. Aunque di la vuelta al mundo, no conozco una frontera. Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera. Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara. Soy pirata navegando en los mares de tu vida. No quiero dejar de pensar en ti. No puedo dejar de soñar contigo. Dime qué hago si no estás aquí. Te necesito. Yeah. vale tenerte cerca o lejos. No me quejo, solo quiero hacerme viejo a tu lado. He llorado como un niño que no ve la luz del sol cuando es verano, y le he quitado de su mano su mejor sonrisa al tiempo me ha estrechado. No me he cansado de soñarte a mi lado, de pensar que a día de hoy me has olvidado. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Hey, te suena. Los que nunca te abandonan, pero esta vez con Juan Magán. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Hey, non ti via. Há tanto tempo estás de frente. Hey, tu continuas com o mesmo sorriso, olhar sentido. Eu não sei o que fazer só para te ter. Para ti foi só um olá, estás diferente, mas eu sinto o mesmo. Queria ter-te amado. O teu caminho ando perdido, mas sei que me custa aceitar. Só o tempo vai curar. Eu não sei o que fazer só para te ter. Para ti foi só um olá, estás diferente, mas eu sinto o mesmo. Queria ter-te amado. Minha terra tem

este amor sem fim. E por isso eu te espero. Só tu és parte do sonho, uma paixão em mim. Eu abro o amor. Eu vivo tanto este amor. Tu és um brilho em meu olhar. Tu és minha loucura. Só te sinto em mim. Meu coração só te quer ter. E só precisa. entreguei teu meu coração. Minha cigarinha, minha cigarinha, para que tu sejas minha. Minha cigarinha, minha cigarinha, entreguei teu meu coração. Minha cigarinha, minha cigarinha, para que tu sejas minha. Minha cigarinha, minha cigarinha. Et on continue avec une prochaine musique, une musique que normalement la plupart des personnes connaissent si on est, ils étaient à la Saint-Jean 2024. On écoute Caliente Cudoro. Ma fiesta loca. T'as dansé en mon absence? Tout à fait, je dansais derrière, je préparais des petites chorégraphies. En tout cas, merci beaucoup Baptiste, Baptiste, de m'avoir, aidé ce matin, parce qu'effectivement, être partout et nulle part, c'est pas possible. Merci à toi, merci à vous, auditeurs de l'autre côté. Vous avez vu, on a le soleil. Et tout à fait. Un samedi avec du soleil. J'ai dû mettre le store parce que ça me dérangeait. Oh non, ça, il ne dérange pas ce soleil, il faut le laisser. En tout cas, merci à toi, merci à vous, auditeurs de l'autre côté. N'hésitez pas à commencer à marquer dans votre agenda, donc Noit de France, le 30 novembre, que vous pouvez acheter vos billets chez nos partenaires aux établissements Mariano et Panier du Monde. En allant chercher les châtaignes pour le week-end, vous pouvez faire d'une paire de coups vos billets. Et le vin, parce que j'ai retenu que c'était les deux ensemble. Oui, avec modération. Bien sûr. Merci à vous. Le week-end prochain, on retrouve Mathis tout seul. Et le week-end d'après, Christine toute seule. En tout cas, merci beaucoup. Bon week-end à vous. Ciao, ciao. À la semaine. À bientôt. À bientôt.